Salut, c'est Bruno Solo. Vous le savez, il y a plus de 50 ans, Lino Ventura a créé Personnage pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées mentales et à leurs familles. De la place dans nos cœurs, de la place dans la société et de la place pour les accueillir dans des maisons de vie. Aujourd'hui, Personnage continue le combat de Lino Ventura et vous lance cet appel. Faites place. Faites place à ceux qui ont besoin plus que jamais qu'on les regarde, qu'on les respecte et qu'on les soutienne. Face au coronavirus, les personnes en situation de handicap sont en première ligne, tout comme les équipes d'éducateurs et de soignants qui, jour après jour, les accompagnent. Alors, faites place à la solidarité. Faites place sur personnage.org. Merci. Et si les gestes les plus anodins que nous faisons pour nous protéger du coronavirus étaient autant de dispositifs de surveillance? Et si la tentative de maîtriser une épidémie ne pouvait se faire sans l'imposition d'une discipline dont le but serait certes de guérir, mais aussi d'exclure? C'est la thèse du philosophe Paul Preciado qui, en lecteur de Foucault, a publié ces dernières semaines plusieurs articles pour commenter et critiquer les aléas de la politique immunitaire. Et il a une heure ce matin au micro des chemins pour s'en expliquer. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. De façon à éliminer les germes et à en réduire leur croissance sur les mains, la procédure de lavage des mains doit durer entre 40 et 60 secondes, mouiller les mains abondamment. Appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner. Paume contre paume par mouvement de rotation. Veuillez respecter des distances d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Respectez les mesures barrières. Bonjour Paul Preciado. Bonjour Adèle. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la maladie, c'est le thème de cette semaine. Et on ignorait, quand on vous a proposé de participer à cette émission, que vous aviez vous-même été malade du Covid. Est-ce que je peux vous demander si vous allez mieux? Oui, oui, tout à fait, je vais beaucoup mieux. Je suis tombé malade très tôt, les 11 mars, et donc voilà, quand je me suis réveillé, j'ai vu déjà en fait les mesures de restriction et de confinement qui étaient mises en place à Paris, en France. Mais je vais beaucoup mieux, merci. Et votre premier réflexe en allant mieux, ça a été d'écrire justement sur ce que nous sommes tous en train de vivre, comme si c'était en mettant les mots sur cette situation, en réfléchissant que vous pouviez peut-être favoriser le processus de guérison? Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que je me suis quand même levé du lit et qu'immédiatement, j'ai eu envie vraiment, ça m'a démangé, j'ai vraiment envie d'écrire, puisque ça fait très longtemps que je travaille sur la politique du corps. Et notamment, en fait, en poursuivant les recherches des Foucault, pas uniquement, mais aussi des Foucault. Et donc, effectivement, on était, enfin, pour les philosophes, c'était vraiment un moment extraordinaire. L'imposition d'un état d'exception et tout d'un coup, en fait, l'apparition des nouvelles techniques, des gestions du corps, de la subjectivité, des productions d'une nouvelle matérialité, d'une nouvelle forme de société. Donc, pour moi, c'était exceptionnel, même si j'étais vraiment, j'étais crevé, il faut dire, par ailleurs. Donc, je sais même pas comment je suis vraiment arrivé à écrire, parce que j'étais vraiment très très fatigué, mais j'écris ça à toute vitesse. Et après, il faut dire, je suis retombé malade. Donc je ne sais pas si c'est un bon conseil de dire à nos auditeurs qu'il faut beaucoup écrire, parce que voilà, parfois on redshoote. Peut-être que l'émission de radio va vous guérir définitivement. En tout cas, ces trois articles, le premier est paru le 11 avril, il s'appelle « Les leçons du virus », on le trouve sur le site de Mediapart. Le second, le lendemain, le 12 avril, « Biosurveillance, sortir de la prison molle de nos intérieurs ». Et enfin, le 27 avril, dans Libération, l'article s'appelle « Nous étions sur le point de faire la révolution féministe, puis le virus est arrivé ». Alors, on va prendre le temps ce matin d'essayer de comprendre quelles sont ces leçons du virus et quelle est la thèse, puisqu'il y en a une assez claire que vous expliquez. Vous venez d'entendre, ça a ouvert l'émission, la voix d'un drone qui incitait les gens à rester chez eux, ça existe pour de vrai, hein, mêlé à un cours de lavage de mains efficace. Alors, en quoi le fait de se laver les mains, ce qui reste aujourd'hui la meilleure façon de ne pas être contaminé par le virus, participe-t-il d'une discipline dont le but n'est pas seulement d'échapper à la maladie? Les disciplines sont toujours, ils ont été toujours présentes. En tout cas, on pourrait dire que la discipline est la technologie du gouvernement de la modernité capitaliste par excellence. Donc, on n'est pas aujourd'hui plus maîtrisé par la discipline qu'on l'était hier. C'est simplement en fait que ces disciplines, ces techniques de régulation du corps, ces techniques aussi des régulations de rapport entre les corps et l'espace ont changé. On était brutalement modifiés. Et des coups, comme elles sont habituellement naturalisées, c'est-à-dire qu'en fait, l'opération des répétitions, des régulations, des dressages, des domestications des corps produit en fait un effet de naturalisation, fait qu'on ne va pas comprendre ni voir les disciplines en tant que disciplines, on les perçoit simplement comme la réalité normale. Si c'est ce qu'on entend quand on dit, par exemple, on va retourner à la normalité, c'est-à-dire on va retourner à la discipline qu'on connaissait déjà. Et ce qui s'est produit en fait pendant la crise du virus, ou pendant la gestion de la crise du Covid-19, c'est justement en fait la transformation, une légère, parce que c'était pas non plus extraordinaire, mais une légère transformation des techniques disciplinaires à plusieurs niveaux. Au niveau, on pourrait dire en fait avec Foucault, anatomopolitique, c'est-à-dire la régulation des gestes du corps, la modification du schéma analytique des rapports du corps à lui-même et des rapports à l'espace, c'est-à-dire par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, la question de se laver les mains constamment, la question par exemple en fait de mettre un masque ou de garder une distance entre les corps. Donc ça, c'est une régulation qu'on pourrait dire une technique des corps, une régulation anatomopolitique qui affecte les rapports du corps par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Mais il y a aussi une technologie de pouvoir plus complexe qui affecte la totalité de la population. Et ça, c'est vraiment une spatialisation du pouvoir. Et c'est là, je dirais, en fait, où les changements les plus importants sont en train d'arriver. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un moment extrêmement important pour les philosophes, puisqu'effectivement, ce qu'on voit, c'est l'implémentation des nouvelles techniques des gestions du corps et des productions de la subjectivité. Notamment, par exemple, les techniques de biosurveillance numérique, et effectivement aussi les techniques comme les drones ou autres, qui étaient déjà en réalité à l'œuvre avant la crise, mais qui maintenant sont des techniques qui vont s'étaler pour les contrôles, la surveillance et la régulation de la totalité de la population. Et c'est ça que je pense qui est intéressant. C'est-à-dire que peut-être en fait avant, il y avait un certain nombre de techniques de gestion des corps, qui étaient des techniques de surveillance peut-être c'est un peu fort, mais des techniques technototalitaires qui étaient déjà à l'œuvre en fait pour des cas très très spécifiques. Mettons par exemple en fait la surveillance des soi-disant terroristes ou la surveillance par exemple des personnes atteintes des VIH séropositives, pas dans les contextes européens, mais dans les contextes en fait que j'ai connus très bien en fait des Taïwan ou de la Chine. Et qui aujourd'hui sont ces mêmes techniques, par exemple des traçages numériques à travers les téléphones portables, en fait, qui vont être étalés à la totalité de la population. Mais alors arrêtons-nous un instant sur ce thème de discipline qui est beaucoup employé par Foucault aussi. On va y venir, on va écouter un texte de Foucault. Mais avant ça, est-ce que la discipline est forcément néfaste ? En l'occurrence, si je m'arrête un instant sur le contexte dans lequel nous vivons, la discipline qui consiste à se laver les mains, qui consiste à garder une distance de soi-disant sécurité avec autrui pour éviter la propagation de ce virus et ainsi éviter l'engorgement des hôpitaux, c'est quand même ça. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de tout simplement nous sauver la vie et donc peut-être d'accepter ce pouvoir-là pour rester en vie ? Oui, mais la question en fait c'est quelles sont les vies qui sont sauvées par cette discipline ? C'est-à-dire que moi je pense il faudrait peut-être revenir un peu à la définition même que Foucault donnait de la discipline. Et pour moi, de toutes les définitions de Foucault de la discipline, celle qui m'intéresse le plus, c'est quand Foucault en fait parle de la discipline comme l'art de gouverner les corps libres. Par opposition, c'est-à-dire les corps libres, attention, c'est-à-dire comment gouverner les corps libres. Ne pas les corps en soumission, ne pas les corps sur lesquels on va procéder à l'extraction de la totalité de la liberté et de la totalité de la vie. Et donc c'est pour ça que la discipline pour Foucault s'oppose à l'esclavage et à la vassalité. Et ça, c'est très important, puisque en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est pas, voilà, vous êtes totalement, il y a plus du tout de liberté. Non, non, non, attention. Et ce qu'on dit, en fait, c'est comment gouverner les corps libres. Et donc, me semble très important, en fait, c'est quelque chose que Foucault appelle la modulation de la violence. C'est-à-dire que dans la vassalité et dans l'esclavage, notamment des techniques nécropolitiques, pour le dire avec Achille Nembe, on était en fait dans le gouvernement à travers la mort, par la mort et par la violence. Par contre, en fait, ce qui va se produire en fait dans la modernité, et justement à travers notamment en fait des mesures qui sont étalées pendant la crise, par exemple des gestions de la peste, c'est les passages des techniques des gouvernements par la violence et par la mort à des techniques qu'on va appeler avec Foucault biopolitiques, c'est-à-dire des techniques de gestion et maximisation de la vie de la totalité de la population. Mais attention, quand on dit de la vie de la totalité de la population, on ne veut pas dire en fait que tous les corps sont régulés de la même manière. Absolument pas. On ne veut pas dire non plus en fait que la vie en elle-même, elle a une valeur absolue. Absolument pas. Est-ce qu'on veut gérer, est-ce qu'on veut préserver et garder, c'est très clair dans les mots du gouvernement français aujourd'hui, c'est la force du travail. La gestion de la force de travail du corps national et la gestion, évidemment, on pourrait dire aussi, d'un point de vue en fait féministe ou transféministe critique, la gestion de la force de reproduction. Donc c'est pas tellement la question de dire oui, d'accord, en fait c'est très bien de se laver les mains, évidemment. Mais la question en fait c'est quel est l'idéal des corps qu'une société produit à travers une certaine discipline. Et donc peut-être en fait qu'aujourd'hui la question par exemple de se laver les mains qui paraît très très simple en fait, elle a aussi segmenté à travers toute une taxonomie hiérarchique des classes, des races, des sexualités, d'expositions en fait par exemple en fait des sans-abri, d'enfermement dans des institutions disciplinaires, totalitaires qui sont aujourd'hui en crise d'ailleurs en fait. Donc je pense que c'est ça, c'est au-delà, en fait, si vous voulez, du bienfait de se laver les mains ou d'appliquer toute une autre technique de régulation du corps. Par ailleurs, je ne crois pas du tout, en fait, que simplement le lavage des mains, en fait, pourrait permettre la gestion de la maladie. C'est aussi, oui. Si vous voulez, la production à travers une régulation, soit de la santé publique, de l'hygiène, de l'alimentation, de la sexualité, de la proximité entre les corps, c'est la production de plutôt un idéal de la communauté immune, d'un idéal oui, de santé publique. Mais c'est précisément, vous dites voilà, se laver les mains n'est sans doute pas la meilleure façon d'obtenir ce que nous cherchons à obtenir. Alors évidemment, encore faut-il définir le but poursuivi. Mais est-ce que l'analyse que vous proposez, l'analyse politique et même biopolitique pour reprendre le terme de Foucault, qui est la vôtre, doit s'adapter au contexte quand même particulier dans lequel nous vivons? C'est-à-dire qu'il y a un moment où le gouvernement se doit, en tout cas s'arroge le droit de faire en sorte que ses citoyens ne tombent pas malades. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui peuvent être prises à ce moment-là et qui vont forcément avoir pour conséquence de sacrifier certaines valeurs qui sont importantes? Ou alors est-ce qu'il faut, pour être plus concrète, est-ce qu'il faut prendre le risque que les gens tombent malades pour respecter leur liberté? Parce que la question, elle se pose comme ça aussi. Je voudrais pas en fait rentrer dans une espèce de moralisation des gestes disciplinaires ou même en fait de prendre la liberté comme un absolu et de face à cette liberté prendre justement la défense de la santé publique. Moi je pense qu'en fait justement ce qu'on essaye de faire quand on va suivre les chemins d'analyse des Foucault et ceux qui va venir après, c'est justement sortir de cette fausse dialectique entre liberté et santé publique. Puisque ce qu'est dit Foucault, c'est qu'au contraire, c'est que sont les mesures de santé publique celles qui vont produire une fiction du corps libre. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire en fait que la condition des possibilités de la liberté aujourd'hui, c'est laver les mains. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je suis en train de faire, d'aller jusqu'à l'extrême, en fait, presque ridicule. Mais la question n'est plus du tout, en fait, d'opposer liberté et santé publique, mais plutôt comprendre, en fait, comment la santé publique implique aussi une gestion et des corps, une régulation, une spatialisation des pouvoirs très stricte, et que sont cette régulation du corps et ces spatialisations du pouvoir qui sont en train d'échanger et d'être modifiées aujourd'hui. Voilà. Je vais vous donner un exemple que je pense que peut-être va nous aider, en fait. Parce que je pense que, pour moi, ce qui était important, quand j'ai commencé à écrire sur les virus, c'est qu'en fait, on est en train de vivre, en fait, une mutation planétaire. Et c'est, je pense que c'est absolument crucial de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui face à une mutation des paradigmes en profondeur qui est simplement semblable à celui-là qu'on a vécu en fait au 15e siècle, probablement. C'est-à-dire au moment où on a passé d'une société orale à une société écrite avec l'invention de l'imprimerie, mais au moment aussi où on va passer effectivement d'une société souveraine à une société on va dire, du libre marché et de l'esclavage, si on pense au 15e, 16e siècle. Et donc, on était, en fait, si vous voulez, à ces moments-là, autour de la Renaissance, dans un moment des changements des paradigmes, y compris aussi des paradigmes dans la physique, des paradigmes coperniciens, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de vivre un moment très semblable. Et ce qui se passe, en fait, au moment des changements des paradigmes, des mutations des paradigmes, c'est qu'en fait, on va inventer des nouvelles techniques de subjectivation. Et ces techniques de subjectivation ne sont pas faciles à implémenter et à faire, si vous voulez, à apprendre, à établir, en fait, un dressage, une domestication de la totalité de la population. Donc, si on pense à la Renaissance, dans cette transition de la culture orale à la culture écrite, il a fallu faire quelque chose de totalement extraordinaire. C'est-à-dire, il a fallu faire apprendre les gens à rester seuls, en silence, tranquille, dans un lieu quand même qui est souvent une chaise, on va dire ça comme ça. Il faut s'asseoir, donc il faut une certaine discipline du corps, un schéma analytique du corps. Il faut s'asseoir, rester en silence, prendre un livre et apprendre à lire. Donc ça, c'était un exercice d'une complexité incroyable. Ça, c'est une mutation qui a produit les sujets de la modernité, qui est un sujet, en fait, lecteur et un sujet qui écrit. Ça, pour Foucault, en fait, ça a pu se produire grâce aux expérimentations qui ont lieu dans les cellules monastiques tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un espace dans lequel, c'était un espace comme un espace d'expérimentation, dans lequel certaines personnes rentraient de manière volontaire et dédiaient leur vie à la lecture, l'herméneutique biblique, etc. Donc, ce qu'il va dire Foucault, c'est que par la suite, et ce qui va arriver, c'est quelque part, en fait, si vous voulez, c'est l'extension à la totalité de la population de ces innovations techniques qui vont permettre l'apparition du sujet de la modernité, de ces sujets lecteurs qui va être capable de lire la loi et de comprendre la loi de l'État. Aujourd'hui, on est dans un moment extrêmement semblable à celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, une mutation aussi planétaire est en train d'arriver. Et on se trouve aujourd'hui, on pourrait dire en fait, à peu près si vous voulez, on rentre à l'intérieur des nouvelles cellules monastiques. Mais ces nouvelles cellules monastiques, aujourd'hui, ne sont plus du tout en rapport avec les livres, en rapport avec les silences, avec la lecture, avec l'écriture, mais sont des cellules numériques. C'est-à-dire, sont des cellules où on va être sur la surveillance digital et biodigital, on pourrait appeler ça, ou bionumérique, pour le dire plus précisément en français, 24 heures sur 24. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, oui, est arrivé, a été mis en place pendant les confinements. Précisément avec, d'une part, la demande, effectivement, de rester à l'intérieur de nos maisons. Mais ça, c'est quelque chose de très semblable par rapport à la gestion de la peste. Oui. En fait, si on pense à la modernité et au moment, en fait, qui décrit justement Foucault, dans ses livres. Mais par contre, ce qui est totalement différent aujourd'hui, c'est que nos maisons ne sont plus du tout des espaces clos, des espaces fermés, et sont des espaces électrifiés et numérisés. C'est-à-dire, en fait, qu'ils sont absolument pas fermé à l'extérieur. Donc, bon, je vous laisse peut-être lire cette paragraphe de Foucault et comme ça, on va comprendre. Voilà, exactement. Donc, dans Surveiller et punir, juste pour mémoire, c'est 1975, hein, Foucault va chercher à voir le lien qui unit tous les grands dispositifs disciplinaires que sont les usines, les casernes, les asiles, les écoles et les hôpitaux. Et de tous ces dispositifs, d'ailleurs, l'hôpital est pour Foucault celui qui est le plus disciplinaire. C'est l'instance majeure de diffusion des normes, dit-il. Ce lien réside dans l'idée de dispositif. Oui, avec la prison, oui. Voilà. Alors, je vous propose qu'on écoute un texte, donc de Surveiller et punir, qui date, je l'ai dit, de 1975, parce qu'il prend, pour exemple, la gestion d'une épidémie de peste. Et il montre comment cette gestion va entraîner une nouvelle manière de lutter contre les épidémies qui est bien différente, par exemple, de celle adoptée pendant la lèpre. Écoutez le texte. Voici, selon un règlement de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville. Le jour désigné, on ordonne à chacun de se renfermer dans sa maison. Défense d'en sortir sous peine de la vie. Le syndic vient lui-même fermer de l'extérieur la porte de chaque maison. Il emporte la clé qu'il remet à l'intendant de quartier. Celui-ci la conserve jusqu'à la fin de la quarantaine. Chaque famille aura fait ses provisions. S'il faut absolument sortir des maisons, on le fera à tour de rôle et en évitant toute rencontre. Ne circulent que les intendants, les syndics, les soldats de la garde, et aussi entre les maisons infectées, d'un cadavre à l'autre, les corbeaux qu'il est indifférent d'abandonner à la mort. Ce sont des gens de peu qui portent les malades, enterrent les morts, nettoient et font beaucoup d'offices vils et abjects. Espace découpé, immobile, figé. Chacun est arrimé à sa place, et s'il bouge, il y va de sa vie, contagion ou punition. Cet espace clos découpé, surveillé en tous ses points, où les individus sont insérés en une place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où tous les événements sont enregistrés, où le pouvoir s'exerce sans partage selon une figure hiérarchique continue, où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants, les malades et les morts, tout cela constitue un modèle compact du dispositif disciplinaire. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. On parle de maladie cette semaine. Aujourd'hui, en compagnie du philosophe Paul Preciado, on examine les dispositifs disciplinaires dont le confinement est sans doute un des effets. Et d'ailleurs, quand on écoute le texte Paul Preciado, on se dit que ce que décrit Foucault peut s'appliquer au confinement que nous sommes en train de vivre, toute proportion gardée, évidemment. Tout à fait. En fait, en partie, oui. On pourrait dire qu'effectivement, les quadrillages de la ville, le fait de faire cette supervision institutionnelle très rigoureuse des espaces, être enfermé à la maison, etc. Tout ça, en fait, fait partie de ce qu'on a vécu et ce qu'on est en train de vivre pendant les confinements. Mais je pense que on pourrait pas dire de tout, en fait, que cette quadrillage et que la production de ces territoires fermés est faite aujourd'hui comme elle était faite pendant l'épidémie de la peste. Puisque aujourd'hui, chacune de nos maisons sont absolument traversées par une multiplicité de câbles, littéralement. En fait, sont câblés, sont technifiés, sont électrifiés. Et donc, effectivement, même s'il y a une fermeture physique, c'est-à-dire l'architecture est probablement très semblable en fait à celle qu'elle était en fait pendant le moment de la peste, par contre, en fait, les dispositifs des surveillances et des contrôles ont changé complètement. Pas uniquement, comme on vous disait tout à l'heure, par l'utilisation des drones, mais aussi par le fait que aussi bien les techniques numériques que les technologies aussi chimiques sont rentrées, pénétrées totalement à l'intérieur du corps et à l'intérieur de la maison. Et c'est cette nouvelle dispositif que j'appelle pharmacopornographique, si vous voulez, par rapport, pour faire la différence avec la discipline telle qu'elle était expliquée ou définie par Foucault comme un dispositif aussi bien architectural qu'une régulation anatomopolitique, régulation du corps. Alors, expliquez-nous, pharmacopornographique, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est vrai qu'en fait, quand je commençais en fait à travailler sur cette mutation du régime disciplinaire vers quelque chose de nouveau, qui avec Deleuze et Guattari, on pourrait dire en fait c'était un régime des contrôles, j'ai essayé en fait de devenir de plus en plus précis dans la compréhension des techniques et des technologies de production de cette nouvelle subjectivité. Et à ce moment-là, j'étais en train de travailler beaucoup, pas uniquement sur la gestion et la production du corps en tant que force de travail, mais surtout des corps en tant que force reproductrice. C'est-à-dire, en fait, en tant que la différence entre l'hétérosexualité et l'homosexualité, la différence entre la masculinité et la féminité, et comment, justement, cette discipline est aussi une discipline sexuelle dans la modernité. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait une rupture extrêmement importante, en fait, qui est arrivée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec, d'une part, l'invention de la pilule contraceptive, et d'autre part, la transformation de la pornographie en culture de masse. Puisqu'en fait, si vous voulez, il y avait quelque chose qui était important dans la discipline telle qu'elle avait été pensée par Foucault. La discipline était une orthopédie sociale. Et par orthopédie sociale, Foucault entendait qu'il y avait un rapport d'externalité entre les corps et les pouvoirs. C'est-à-dire que, par exemple, pour normaliser les corps, pour établir une répétition, une régulation, une pédagogie de l'action, on faisait traverser les corps à l'intérieur des institutions disciplinaires. C'est-à-dire, on envoyait les corps, les enfants, à l'école. Après, ils étaient partis à l'usine, la caserne, l'hôpital, la prison, etc. Donc, c'était les passages du corps à travers des institutions disciplinaires qui produisaient cette subjectivité docile, normalisée de la modernité et qui notamment transformait aussi bien les hommes et les femmes, on pourrait dire, en fait, en force de travail et en force de reproduction hétérosexuelle. Par contre, en fait, ce qui va arriver dans ce que j'appelle la période pharmacopornographique, à l'intérieur de laquelle je crois qu'on est aujourd'hui, en fait, c'est qu'on ne fera plus traverser les corps à l'intérieur des institutions, puisque ces institutions sont en crise, et je pense qu'on l'a vu très très bien aujourd'hui, comment ces institutions, c'est-à-dire l'école est fermée, l'usine est fermée, l'hôpital, il est en train de s'effondrer, il est totalement en crise Ça, c'est encore un autre sujet dont on pourrait parler un autre jour, mais pour des raisons, effectivement, des politiques néolibérales, etc. Mais oui. En tout cas, en fait, ce qu'on voit, c'est un effondrement total des institutions qui menaient à terme le travail des dressages, des pédagogies, de l'action et des reproductions du corps social. Et face à cette architecture qui fonctionnait comme des orthopédies sociales, donc externes au corps, et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on va inventer, on va miniaturiser, ça pour moi c'est la notion centrale, on va miniaturiser ces technologies des pouvoirs et on va les avaler. C'est-à-dire en fait que ça paraît étrange, mais ce qui arrive exactement, par exemple avec la pilule anticonceptive, en fait, que j'appelle les panopticons à manger, en fait, les panopticons orales qu'on peut vraiment ingérer et manger, c'est-à-dire que on va transformer, on va miniaturiser, et ça c'est effectivement les travaux des technosciences pendant la période qui va de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, cette miniaturisation, cette transformation, ces passages, si vous voulez, des architectures à la chimie, et aussi quelque chose de très important, et c'est pour ça que j'appelle ces dispositifs pharmaco-pornographiques, si vous voulez, c'est qu'avant la discipline, elle travaillait surtout à travers la répression, à travers la régulation et la production du plaisir. C'est-à-dire qu'on empêchait les sujets ou les corps de produire du plaisir, justement pour détourner cette production du plaisir, on l'a transformée en production, production du capital ou production, on va dire, de la reproduction sexuelle. Par contre, en fait, ce qui va être très important dans la régulation pharmacopornographique, est-ce qu'on ne va pas réguler et produire la subjectivité à travers la restriction ou la répression, mais plutôt à travers la production même du plaisir. C'est-à-dire qu'on va demander au sujet de toujours produire plus de plaisir. Et donc, effectivement, l'incitation à la masturbation et la transformation de la pornographie, ce qui est aujourd'hui en Internet, en fait, si vous voulez, une énorme prothèse masturbatrice à l'échelle globale. Je dis ça en fait. Oui, autant pornographique au sens très large. Tout à fait. Pornographique, c'est même c'est l'effet, la visibilité que nous avons, à laquelle nous nous exposons exactement. En permanence. Exactement. Quand je dis pornographique, il faut entendre les technologies audiovisuelles et numériques en tant que technologie de surveillance totale du corps et de la sexualité. Mais effectivement, c'est important de penser à les spécificités de la pornographie. Je pense que de la même manière que pour Foucault, par exemple, la prison ou l'hôpital étaient des techniques qui étaient paradigmatiques de forme de pouvoir de la modernité industrielle et coloniale, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire que la pornographie et la pharmacologie sont des techniques absolument paradigmatiques de la production d'une nouvelle subjectivité. Alors, on va prendre un exemple, et c'est vous qui le prenez, Paul Preciado, pour bien expliquer ce concept-là de pharmaco-pornographique et nous aider à avancer dans notre discussion. L'exemple, c'est celui du fondateur du magazine pornographique Playboy, il s'appelle Hugh Hefner. Et vous écrivez dans votre texte, je me permets d'en lire quelques lignes, parce que ça va beaucoup parler à tous nos auditeurs qui sont tous confinés au moment où nous faisons cette émission. « Lorsque j'ai fait mes recherches sur Playboy, j'ai été frappé par le fait que Hugh Hefner, l'un des hommes les plus riches du monde, avait passé près de 40 ans sans quitter sa maison. Vêtu uniquement de pyjamas, peignoirs et pantoufles, buvant des coca et mangeant des Butterfingers, Hefner a dirigé et produit le plus important magazine des États-Unis sans quitter sa mansion ni même son lit. Connecté à une caméra vidéo, à une hotline téléphonique, à la radio et à une chaîne de musique, le lit de Hefner était une véritable plateforme de production multimédia. Son lit rond était à la fois sa table de travail, son bureau de direction, une scène photographique et un lieu de rencontre sexuelle, ainsi qu'un studio de télévision où était filmée la célèbre émission Playboy After Dark. Playboy a anticipé les discours contemporains sur le télétravail et la production immatérielle que la gestion de la crise du Covid-19 a transformée en un devoir national. Le biographe d'Hefner nous rappelle que cet isolement productif avait besoin d'un soutien chimique. Hefner était un consommateur de dexédrine, une amphétamine qui élimine la fatigue et le sommeil. Donc, paradoxalement, l'homme qui ne sortait pas du lit ne dormait pas beaucoup. Est-ce que tout cela vous semble familier maintenant? Est-ce que tout cela ressemble trop étrangement à vos propres vies confinées? Vous êtes en train de faire un parallèle entre nous autres confinés à la maison et sans doute au lit et le fondateur du magazine Playboy, Paul Preciado. Bah oui, tout à fait. Je pense que on pourrait dire la cellule monastique était dans la Renaissance, cette cellule d'expérimentation dans laquelle on a inventé les sujets de la modernité lecteurs. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'effectivement, dans les années 50, Hefner était quelque part avec sa mansion totalement, à l'époque, électrifiée, mais attention, très low-tech à l'époque, hein, ça semblait extraordinaire à l'époque, par rapport à nos intérieurs numériques aujourd'hui, c'était absolument rien, mais effectivement, je pense que dans l'Amérique des années 50, Hefner, dans la production du magazine Playboy, a inventé quelque part, ce qu'il a appelé lui, en fait, les travailleurs horizontaux. C'est-à-dire un travailleur qui s'oppose quelque part au fordisme, à ces rapports du corps, d'une part à la machine et d'autre part à l'usine, dans la production extérieure. C'était aussi, si vous voulez, en fait, un travailleur masculin. Et c'est aussi ça que Hefner va mettre en cause, puisqu'en fait, Hefner va inventer un nouveau sujet masculin qui est quand même au foyer, un homme au foyer, qui travaille sur son lit, sans bouger absolument pas de la maison, et qui effectivement devient un télétravailleur, un travailleur horizontal. Et pour moi, c'était totalement incroyable, en fait, effectivement, d'entendre les présidents Macron parler du télétravail et d'inciter la totalité de la population au télétravail, tout en restant à la maison. Et là, vous voyez, en fait, on bat encore. On va plus loin et ça devient beaucoup plus complexe en fait que simplement la question de se laver les mains. C'est-à-dire on essaye là pour le coup en fait de faire une nouvelle gestion de la force du travail en rapport aux technologies numériques. Et je pense en fait que les changements, les innovations qui sont apparues pendant la crise ou la gestion de la crise du Covid-19, ils vont pénétrer très profondément la société. C'est-à-dire qu'effectivement, les télétravail, ces travailleurs qui n'est plus du tout les travailleurs fordistes, je pense que de toute façon, les fordismes est mort quelque part. Hein. Il était en train de mourir, mais je pense que là, la crise du Covid-19 a achevé complètement, d'une part, la forme de production fordiste, mais aussi les travailleurs verticaux du fordisme, et on va vers un travailleur, effectivement, qui est surtout un producteur sémiotique, un producteur sémiotechnique, donc un travailleur immatériel, horizontal, qui travaille en connexion avec les technologies audiovisuelles. Et je pense, un exemple parfait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, vous et moi. C'est-à-dire que moi, je suis ici chez moi, et donc du coup, voilà. Ma maison, comme celle de Hefner, est transformée en studio radio. Oui, voilà, mais justement, ça permet de nuancer, parce que je voudrais bien qu'on comprenne ce que vous affirmez, parce que on pourrait aussi entendre une sorte de méfiance à l'égard de cette technologie qui serait forcément aliénante. Et vous écrivez dans votre article « Sortir de la prison molle de nos intérieurs », c'est le titre de l'article, « Nos machines de télécommunication portables sont nos nouveaux geôliers, nos propres intérieurs domestiques sont devenus la prison molle et ultra connectée du futur. » Et vous en appelez à une forme de résistance, ce terme est important, vous dites « Utilisons le temps et la force du confinement pour étudier les traditions de lutte et de résistance des minorités qui nous ont aidés à survivre jusqu'à présent. » Éteignons nos téléphones portables, déconnectons l'Internet, faisons le grand blackout face aux satellites qui nous observent et réfléchissons ensemble à la révolution à venir. Sauf que si nous éteignons nos portables et que nous déconnectons l'Internet, nous ne pouvons plus faire cette émission, nous ne pouvons plus inviter à la réflexion et finalement on tourne le dos aussi aux possibilités de résistance. Oui, non, est-ce que vous avez tout à fait raison. Moi j'appelle simplement à un usage critique des technologies des productions de la subjectivité contemporaine. Ça veut dire qu'en fait, évidemment, on peut faire cette émission, et je pense que ça peut être excellent, comme on peut faire plein d'autres choses avec les nouvelles technologies. Mais je pense aussi que parfois, par exemple, on a une idée de la liberté, de la transgression et de la résistance qui me semble, en fait, justement, encore trop en rapport avec la gestion disciplinaire. J'ai entendu en France dire « Ouais, on veut absolument sortir, personne ne peut me priver de la liberté de sortir ». Aujourd'hui, la question de la liberté n'est pas uniquement, ne se joue pas uniquement sur la question de sortir ou pas sortir de chez soi. La question, c'est aussi être soumis 24 heures sur 24, en fait, aux modalités de télétravail et à la surveillance numérique. Donc, si vous voulez, en fait, c'est dans ces modulations. C'est-à-dire que de la même manière que la violence est modulée et transformée en discipline et que la discipline est modulée et transformée en contrôle pharmacopornographique, nous aussi, nos formes de résistance et de lutte doivent se transformer. Parce que je pense qu'on a encore des idées de liberté qui sont, si vous voulez, en rapport avec une espèce idéal, encore quasi prémoderne en fait de la liberté. Alors que c'est avec ces technologies des productions de la subjectivité contemporaine qu'il va falloir inventer la liberté. Mmh. Alors, vous dites aussi, vous attirez l'attention du lecteur et donc aujourd'hui de l'auditeur sur les processus d'exclusion qui sont à l'œuvre dans la discipline immunologique. Et je voudrais qu'on s'arrête sur le thème d'immunité, puisque l'immunité, c'est ce que l'on cherche à atteindre aujourd'hui à l'échelle collective. Le virus ne sera plus actif si plus de 50% de la population française, en tout cas si on parle de la France, est contaminée. En quoi est-ce que la recherche de l'immunité en elle-même peut poser un problème et surtout conduit à exclure une partie de la population? Bon, si vous voulez, en fait, c'est plutôt Roberto Esposito, qui est aussi un lecteur de Foucault, qui a beaucoup travaillé sur les liens entre la notion des communautés et la notion d'immunité. Comme vous entendez très bien, y compris en français, puisqu'on a, on travaille avec les mots, en fait, en latin, la racine des communautés et d'immunité est la même. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans les droits romains, être immunisé, ou les personnes qui étaient immunes, c'était celles qui ne devaient pas payer une taxe ou payer ce qu'on appelle les munus, c'est-à-dire communauté, c'était comme munus. Et c'était donc une collectivité qui était reliée par un don, par un munus, par une taxe, par quelque chose qu'il fallait offrir à la communauté en échange de cette protection communautaire. La personne qui était immunisée, c'était celui-là qui ne devait rien à la communauté et qui donc était immunisé. Il y avait aussi les démunis, ceux qui ne pouvaient pas accéder à la communauté parce qu'ils ne pouvaient rien apporter à cette communauté. Et ce qui est arrivé, c'est que avec les temps et surtout avec l'invention de la bactériologie, en fait, on a cette notion d'immunité a glissé du domaine du droit vers le domaine de la médecine. Et donc, on a inventé la notion moderne d'immunité. Et là où je pense que l'argument de Roberto Esposito est très intéressant, c'est que lui, il va dire attention, parce qu'il y a dans chaque notion des communautés, dans chaque idéal des communautés, il y a la recherche d'une immunité, donc d'une forme de pureté, d'une forme de manière de préserver la vie de la communauté, qui nous pousse parfois à exclure une partie même de la communauté. Évidemment, dans l'exemple ou dans les travaux de Roberto Esposito, lui, il va faire une recherche très très poussée en fait sur les nazismes et sur les techniques, notamment biopolitiques, puisque la notion du biopolitique, comme vous savez peut-être, en fait, elle a été inventée pas par Foucault, mais dans les années 30, dans l'Allemagne nazie, par les ordolibéralismes. Et ce qu'il va faire Roberto Esposito, c'est dire attention, parce que parfois, pour préserver la vie de la communauté, il va falloir justement exclure et notamment appliquer, pour le coup, on pourrait dire, des techniques nécropolitiques, c'est-à-dire mettre à mort une partie de la communauté. Et donc, je pense qu'effectivement, ça s'est produit de manière exponentielle pendant les nazismes, mais ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une technique de gestion de la population qui n'a pas fini, malheureusement, avec les nazismes, mais qui continue d'une autre manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, comment on a construit la communauté européenne pendant la dernière décennie, notamment, en fait, avec l'imposition des barrières et des frontières qui, aujourd'hui, sont véritablement nécropolitiques et qui, on pourrait dire, en fait, cherchent en fait, à produire un idéal d'immunité qui est un idéal qui est des biens absolument barbares, nocives et totalement inacceptables. Donc, puisque ce qu'on a fait, c'est produire la mort, donner la mort. On peut pas dire, en fait, que, par exemple, ce qui s'est produit au bord de l'Europe, soit à Calais, soit à Lampedusa, soit dans les îles grecques, que ce soit pas simplement des mesures, en fait, justement, immunitaires, entre guillemets, en fait, pour préserver, les bien-être, la santé politique de la communauté européenne. Et ce qui s'est produit là, c'est effectivement la mise à mort, l'implémentation des techniques nécropolitiques, pour préserver quoi? Un idéal immunitaire qui est un idéal finalement qui est plus nécropolitique que biopolitique. Donc je pense que il faut être attentif aux techniques des productions de la communauté. Et je pense qu'il faut l'être aussi aujourd'hui en France, en Europe, par exemple en fait dans la gestion de la crise. Qui a été exposé à la crise? Qui a eu la possibilité, par exemple, en fait, effectivement, de rester chez soi, qui a la possibilité de se laver les mains tous les 15 minutes, qui a la possibilité de rester à un mètre de distance. Je pense que ce qu'on a vu en France, justement, c'est l'apparition d'une une classe, pourrait dire en fait une espèce de lumpen transversale qui va segmenter, ré-segmenter des classes, des races, des sexualités, puisqu'en fait, il s'agit aussi d'un travail plutôt des soins, un travail d'une politique du soin qui est souvent aussi faite par des femmes, faite par des corps racisés. Et donc je pense qu'il faut être extrêmement attentif à quels sont les coûts de l'immunité de la communauté. Donc qui sont les démunis dans notre société qui ne peuvent pas du tout accéder justement à cette immunité politique et à qui on va forcer à une contamination. Tout ça, cette révolte de ce week-end, plus la grève de la faim, c'est pour dénoncer vos conditions de rétention dans le CRA, le centre de rétention administrative, dans cette période de Covid-19. Voilà. C'est dangereux et je vois pas c'est quoi le but de nous garder ici, alors qu'il n'y a pas d'avion. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait pour vous protéger. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, vraiment rien du tout. Mais même les policiers, ils n'ont même pas de masque. Vous croyez qu'ils vont vraiment ils vont donner des gants à nous? Et donc, au Ménil-Amelot, il n'y avait rien. Et là où tu es maintenant, à Rouen, c'est différent? Écoutez, ici, il y a le gel. Mais on est tous en contact. Tu es toujours en grève de la faim? On est tous en grève de la faim. On est en tout 13 personnes. À Rouen, à faire la grève de la faim? Oui. Ils sont venus nous voir pourquoi vous faites la grève de la faim. Ça va rien changer, c'est pas comme ça que vous allez sortir. C'est les policiers qui sont venus voir. On a dit, écoutez, on veut pas débattre avec vous, on sait que c'est pas vous, mais voilà, nous, on veut manger pourquoi? Déjà, on mange rien, on mange un morceau de pain, on se nourrit juste pour tenir debout. Ben, on a décidé de faire la grève de la faim, on boit de l'eau, on boit du sucre, on boit des chocolats chauds, juste pour un peu de sucre, c'est tout. Je vois pas pourquoi je mangerais. En fait, j'arrive pas à trouver la raison de rester ici. Pourquoi ? Le 11 avril 2020, les détenus du centre de rétention administrative de Ménil-Amelot font une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention en temps de confinement. La question qui se pose, Paul Preciado, c'est de savoir si la politique de barrière contre le virus exacerbe la politique de barrière contre l'étranger en général, c'est ce que vous disiez, et donc les renforce en fait dans leur extrême vulnérabilité. On peut faire ce parallèle entre l'exclusion, la tentative d'exclure le virus et la tentative finalement déguisée d'exclure l'étranger ou le plus vulnérable. Ce parallèle se tient? Oui, tout à fait. De toute façon, des techniques d'éloignement des étrangers, des techniques, j'insiste en fait, nécropolitiques, des mises à mort, puisque en fait c'est ça la différence, si vous voulez, entre les techniques biopolitiques et des disciplines qui sont appliquées à la totalité de la population, des citoyens français non racisés, et des techniques d'éloignement, des techniques de mise à l'écart, des techniques nécropolitiques et des mises à mort qui sont appliquées surtout, évidemment, pour les étrangers, les corps qui sont considérés en tant qu'étrangers, mais aussi sur une partie même de la population française, soit la population racisée, soit la population des classes très populaires, des populations en fait qui doivent impérativement sortir pour accéder à la nourriture ou au travail. Et de cette situation, vous en tirez ce que vous appelez les leçons du virus, hein, et vous dites justement la frontière ne cesse pas de se refermer sur nous, elle nous pousse toujours plus près de notre corps, Calais nous explose maintenant au visage, la nouvelle frontière est le masque, l'air que nous respirons doit être à nous tout seul, la nouvelle frontière c'est notre épiderme, le nouveau Lampedusa c'est notre peau. Dites-vous comme si la frontière qui exclut, eh bien, nous l'avions intériorisée au point d'en faire notre propre corps. Mais là aussi, je vous retourne l'objection que je vous avais soumise à propos de vos analyses de la technologie. La frontière, c'est ce qui exclut, c'est aussi ce qui protège. C'est bien là l'ambivalence. Un monde sans frontières, quelle qu'elle soit, n'est pas envisageable non plus. Non, mais de toute façon, je ne parle pas du tout d'un monde sans frontières. Je pense que justement, quand on travaille sur les corps et sur l'architecture, on comprend qu'il y a une multitude de frontières. La peau est une frontière. La question, en fait, c'est comment on va gérer ces frontières-là? Comment on va les réguler socialement et politiquement? Mais semble, en fait, que ce qui est arrivé brutalement pendant la crise, c'est qu'un certain nombre des techniques, des technologies extrêmement virulente, en fait, qui était appliquée aux populations non européennes, aux populations racisées, aux migrants, aux réfugiés, donc notamment la mise en demeure, la mise dans des espaces confinés, l'éloignement et la considération de ces corps comme des corps effectivement contaminants, quelque part, ces mesures, on pourrait dire, des gestions nécropolitiques se sont étalées à la totalité de la population. Et tout d'un coup, en fait, Lampedusa, c'est les voisins d'en face. C'est-à-dire, l'étranger, c'est les voisins d'en face. Il faut absolument cette distance entre nous, voisins les uns des autres, entre les citoyens, si vous voulez, réplique et multiplie à l'infini la distance qu'on a mis entre nous, la communauté, et eux, ce qui était extérieur à la communauté et qui ne devait pas venir ici pour préserver l'immunité. Donc je pense que, notre manière de construire l'immunité aujourd'hui est très semblable en fait. En réalité, est-ce qu'on est en train de vivre et qu'on en vit enfermé à l'intérieur de nos maisons ou qu'on va imposer en fait cette distance de sécurité ou cette régulation entre les corps est quelque chose qui amplifie, multiplie, étale à la totalité de la population des techniques qui étaient déjà à l'œuvre, pas pour nous, mais pour effectivement ceux qui étaient considérés comme non-citoyens ou étrangers ou migrants ou réfugiés. Évidemment, quand je fais cette parallèle, je ne parle pas, évidemment, je ne dis pas que les conditions de détention qui sont à l'aube aujourd'hui dans les centres de rétention pour les migrants sont les mêmes que chez nous. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire il faut rester vigilant, puisqu'en fait, ces techniques sont très différentes, alors qu'elles sont carrément nécropolitiques et des techniques des morts. Quand on parle des migrants et des réfugiés, en fait, quand ils s'appliquent à nous, il va y avoir une modulation de la violence et on va passer justement, si vous voulez, de l'extermination ou de l'exclusion totale au télétravail. Mais ce que je voudrais, en fait, c'est qu'on arrive à regarder la continuité qu'il y a, en fait, entre les techniques qu'on a appliquées à une certaine partie de la population pendant les dernières 10, 15, 20 ans et les techniques qui sont aujourd'hui en train d'être appliquées à la totalité de la population, y compris nous-mêmes. Mais on peut aussi voir dans ce confinement forcé une manière de résister pour certaines personnes. Je parle pour celles qui ont le loisir de pouvoir le faire, puisque si je vous suis bien et si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, qui est assez similaire en ce sens hein, à celui de Foucault, nous avons tellement intégré les normes disciplinaires que nous les reproduisons sans même le savoir. C'est une chose. Est-ce qu'on peut pas voir pendant le confinement que des personnes comme vous, par exemple, dont le métier est de réfléchir, une chance justement pour produire cette force de résistance en écrivant et en réfléchissant, puisque le confinement le permet davantage. Je suis pas en train de dire qu'il y a que des vertus au confinement, je suis en train d'attirer l'attention sur le fait que pour les personnes qui elles-mêmes ne sont pas dans ces situations catastrophiques, eh bien c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir davantage de temps et de possibilités de mettre en place les mesures de résistance, pour reprendre votre terme, pour aider à faire évoluer la situation. Oui, mais là, vous avez raison, mais ce qui m'intéresse là, c'est pas du tout, en fait, les privilèges de certaines personnes qui ont plus, vraiment plus de temps, plus de calme pour écrire ou autre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et que ça, que je pense que c'est quelque chose de transversal à la totalité de la population. Je pense qu'on vit un moment, des crises, pas uniquement politiques, ou des crises dans la gestion du corps social, ou de la santé publique, de l'hygiène, etc. On vit aussi un moment des crises esthétiques. Et ce moment, je pense qu'il va être constitutif. Parce qu'évidemment, pour nous, déjà, c'est pour tous, hein, je pense que c'est un moment, effectivement, de dénaturalisation de la discipline. Pour la première fois, on s'est dit, mais voilà, mais pourquoi je sors travailler tous les jours à l'extérieur? Pourquoi envoyer mes enfants à l'école? Pourquoi, en fait, toutes les choses qui étaient naturalisées, qui étaient normalisées par la répétition et la régulation de la discipline sont aujourd'hui en train d'être dénaturalisées. Il y a un processus de déshabituation. Et je pense que là s'ouvre, en fait, une parenthèse des véritables crises esthétiques, donc une mise en cause de ce que j'appellerais, en fait, une transformation des technologies de la conscience, des technologies de subjectivation. Et donc, la possibilité aussi de créer, de construire, de fabriquer une subjectivité dissidente par rapport à la discipline et par rapport à la norme. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup autour de moi, à Paris, beaucoup de gens me disent, en fait, voilà, non, je vais plus du tout retourner à vivre comme je vivais avant. Et je pense que c'est quelque chose. Il y a des leçons du virus. On a tous appris quelque chose par rapport à nous-mêmes pendant la crise. Donc il y a eu un moment d'une émancipation cognitive, un moment, une rupture que j'appelle esthétique. J'appelle esthétique puisque effectivement il y a la rencontre à un moment donné en fait entre nous et nos propres processus de subjectivation. C'est comme si on se voyait dans un miroir et on s'est dit ah Dieu t'es en train d'être subjectivé comme ça. Et la question maintenant, c'est est-ce que je vais continuer à produire ma subjectivité comme ça ou peut-être autrement, à la changer, à résister. Voilà. Je pense que ça va être très, très difficile. Je pense aussi que c'est quelque part, en fait, il ne m'intéresse pas tellement au cas des privilèges, en fait, mais plutôt quelle va être la situation pour les personnes, justement, pour le dire avec la terminologie des Roberto Esposito, plus démunies et qui n'auront pas la possibilité justement d'accéder à cette crise esthétique, à ce moment de déshabituation, et qui seront forcés à être soit par la précarité, soit par les travails dans des conditions en fait très précaires aussi, etc. Donc je pense qu'on vit un moment qui va être très difficile, parce qu'en même temps je pense qu'il va y avoir l'imposition des nouvelles techniques d'extraction des forces de travail, des forces reproductrices néolibérale encore plus puissante qu'avant, et en même temps je vois comme une espèce de grand rituel techno-chamanique à l'échelle planétaire un moment peut-être en fait des productions de nouvelles consciences, et qu'on s'est dit oui effectivement on est dans un moment des mutations planétaires, mais la question c'est qu'est-ce que on veut faire dans cette mutation, comment on veut agir à l'intérieur de cette mutation. Eh bien ce seront les questions de la fin. Merci beaucoup Paul Preciado d'être resté chez vous et d'avoir discuté derrière votre ordinateur. Merci, et votre téléphone portable, d'avoir permis cette discussion. J'en profite pour annoncer que vous allez publier aux éditions Grasset un livre qui s'appelle Je suis un monstre qui vous parle et qui paraîtra le mois prochain donc chez Grasset. Merci Paul Preciado et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Pull up with the chopper, chopper, chopper, chopstick. Let it hit, use a bitch, riff it drip. Ain't no squares, I'll fill my clip. Money gang, blue face on us. I take your hoe, then make her love me. I go and get it, I go to plug, I get it sent. I don't be front, I just be stunting. I just be stunting, I just be stunting, I just be stunting. I just be stunting, I just be stunting, I just be stunting. I go and get it, I go to plug, I get it sent. I don't be front, I just be stunting, I just be stunting, yeah. Pull up with that chopper, chopper, chopper, chopstick. Let it hit, use a bitch, rip the drip. Tell y'all hoe, get off my dick. Pussy good, I'm a hit. Keep a pistol, I don't slip. Way too valid, I'm legit. Tell a valet, bring my wit. We want the smoke, we got the smoke. We get the bag, 20 a show. We got the gas, off of the loaf. All up on yachts, this ain't no boat. I'm a OG, different for my youngin', different for my city. Them niggas be buggin'. If I get the bus and them niggas is bustin', I'm here for the money, that's in the discussion. Pull up with that chopper, chopper, chopper, chopstick. Let it hit, use a bitch, rip the drip. Ain't no squares, I'll fill my clip. Money gang, blue face on us. I take your hoe, then make her love me. I go and get it, I go to plug, I get it sent. I don't be front, I just be stunting. I just be stunting, I just be stunting, I just be stunting, I just be stunting. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En quarantaine, certains, et j'en fais partie, feraient l'expérience d'un drôle de paradoxe. Ne pas réussir à accomplir des choses pourtant faisables en confinement, comme par exemple ouvrir un livre, faire du yoga ou se mettre au tricot. Entre les explications neuroscientifiques et les explications purement psychologiques, je me suis demandé quelle pourrait être la réponse de la philosophie à ce problème. Pourquoi ne pas pouvoir faire ce qu'il est pourtant possible de faire ? Everyone ready ? Okay. Well, I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Depuis le début du confinement, il n'y a pas un jour sans que quelqu'un nous livre un conseil pour occuper nos journées. Entre les redécouvertes de ses amis qui font leur fond bibliothèque, les artistes qui nous offrent leurs concerts live ou encore les meilleurs cuisiniers qui font des tutos gâteaux, pas un jour sans que nous soit proposée une recommandation culturelle, sportive ou culinaire. Quoi de mieux que la situation actuelle, c'est vrai, pour le faire. Plus de temps, moins d'espace, mais surtout une crise qui nous prend aux tripes, il faut trouver de quoi s'occuper, mais surtout de quoi échapper au présent ou le réfléchir autrement. Pourtant, malgré l'offre et malgré la quarantaine, je dois dire qu'il n'y a pas un jour non plus sans que je me sois dit que je n'arrivais pas à lire, que je ferais du sport demain ou que je tenterais moi aussi de faire un banana bread, mais après les prochaines courses. Tout est bon pour reporter à plus tard ce que je pourrais faire sur le moment. Heureusement, des scientifiques expliquent très bien ce phénomène actuel. Notre cerveau serait programmé pour se concentrer sur une seule chose à la fois. En cas de pandémie, difficile donc de décentrer son attention de ce danger. Cependant, à côté de cette explication, il reste quand même un mystère. Pourquoi cela arrive-t-il aussi en dehors des pandémies? C'est un problème philosophique. Pourquoi, même pas menacé, je ne fais pas ce qui m'est possible de faire? Et je ne parle pas que de travail, de corvée ou de devoir, mais aussi de plaisir, de divertissement. Pourquoi ce qui est possible peut-il me sembler impossible à réaliser? Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. La question du possible est une question classique en philosophie. Aristote le premier distinguait ainsi la puissance de l'acte, le fait de pouvoir faire une chose du fait de la réaliser. Bergson, puis Deleuze, ont continué à creuser ce sillon en précisant les choses. Ce qui a été réalisé a forcément existé sous la forme d'un possible, mais tous les possibles, en revanche, ne seront pas forcément réalisés. Et c'est bien ça qui m'intéresse. Pourquoi certains possibles restent-ils à l'état virtuel? Qu'est-ce qui nous empêche de les réaliser, de rendre possibles les possibles? Quand on y pense, plein de choses nous empêchent de le faire. Il y a par exemple la procrastination, soit le fait de remettre tout au lendemain, de reporter indéfiniment. Il y a aussi la paresse, la flemme, la fainéantise, soit un manque de fermeté ou de détermination, ou au contraire, on peut aussi avoir un excès de fermeté et de détermination. Parmi tous les possibles, nous en choisissons certains, mais pas d'autres. On le voit, un certain nombre de possibles restent donc toujours à l'état de pur possible. Ce sera faire du pain pour certains ou du tricot pour d'autres, soit par manque de volonté, soit par volonté. Mais peut-on sciemment et délibérément vouloir ne rien réaliser du tout? Peut-on se contenter et même préférer la contemplation des possibles plutôt que leur réalisation? Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre super riche. Je crois que j'irai au McDo, je prendrai une frite, un coca, un Big Mac. La meuf, elle me dirait, bah prenez un menu. Je dirais non, je suis riche. Cette préférence du pur possible, du projet, de l'idée, à la mise en œuvre, la réalisation ou l'actualisation, caractérise, je crois, ce phénomène qui consiste à ne pas pouvoir faire des choses en cas de pandémie ou pas. Qu'il s'agisse de faire du pain ou de se rendre utile, la satisfaction réside parfois dans la possibilité seule, pleine, espérée, rêvée, parfaite, et non dans la réalisation forcément incomplète, déjà finie, passée, désespérément réelle et appauvrie. C'est fou quand on y pense d'ailleurs que l'on se culpabilise de ne rien faire, qu'on y voit une forme d'impuissance, car il faut au contraire un grand pouvoir pour préférer l'inachèvement des possibles à la sensation du travail accompli. On est bercé dès tout petit par ce dicton « quand on veut, on peut ». Mais peut-être voulait-il seulement dire « quand on veut, on peut et tant mieux si on en reste là ». Pas d'inquiétude donc, vous pouvez rester à contempler ce que vous pourriez faire sans le faire. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinée ou pas, à préparer cette émission. Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé cette émission, à la prise de son aujourd'hui depuis Radio France, Olivier Arnay. Merci aussi au CDM de Radio France qui a assuré la liaison. Je vous donne rendez-vous demain, comme tous les vendredis, pour un Profession Philosophe. Ce sera l'occasion de redécouvrir l'émission enregistrée avec Marc Alizard. On parlera de vitalisme, d'informatique, de chiens et de bitcoin. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, peut-être plus que jamais, télécharger, podcaster cette émission ainsi que toute cette série sur les philosophes et la maladie. Vous pourrez ainsi l'écouter quand vous voulez, au moment de la journée que vous choisirez. Et sachez aussi que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. On sera ravis de répondre à vos remarques, vos questions et vos commentaires. On se retrouve donc demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.